L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quand on parle d'exoplanètes, il ne faut pas être surpris de ce qu'on découvre. Les cas étant par nature extrêmement nombreux et différents les uns des autres, toutes les configurations semblent exister. C'est donc un tout nouveau phénomène qui vient d'être mis en évidence par une équipe d'astronomes suisses. Une planète de la taille de Neptune qui est en train de perdre des gigantesques quantités de gaz, de l'hydrogène, formant autour d'elle comme une énorme chevelure cométaire. Il s'agit d'une exoplanète nommée GJ436b. Elle a une masse 23 fois plus grande que celle de la Terre et possède une période orbitale autour de son étoile de 3 jours seulement. Elle en est donc extrêmement proche et est de fait très chaude. Les astronomes y ont détecté la présence d'une atmosphère, mais celle-ci est en train de s'échapper dans l'espace, formant une vaste traînée. Il semble que l'étoile proche a chauffé l'atmosphère à un tel niveau que l'hydrogène s'est évaporé, mais le rayonnement stellaire n'est pas suffisant pour souffler tout ce gaz, qui reste alors comme accroché gravitationnellement à GJ436b sous la forme d'une traînée. David Ehrenreich de l'Université de Genève et ses collègues publient leur découverte dans la revue Nature cette semaine. Ils y montrent comment ils sont parvenus à détecter cet énorme nuage de gaz par l'absorption de la lumière UV qu'il produit lorsque l'on regarde l'étoile en arrière-plan. Ils ont pour cela exploité le télescope spatial Hubble, toujours lui, car le seul outil qui permet d'imager de tels objets dans les longueurs d'onde ultraviolettes. Cette vaste chevelure gazeuse est indétectable en lumière visible. L'évaporation de GJ436b est certes spectaculaire, mais elle ne menacerait pas l'existence de son atmosphère. Les chercheurs estiment que depuis sa naissance, il y a plusieurs milliards d'années, GJ436b aurait perdu seulement 10% de son atmosphère. En revanche, ce type de mécanisme pourrait fournir une explication à l'existence de planètes rocheuses en orbite très proche de leur étoile et qui ne seraient que des résidus de cœurs de planètes anciennement gazeuses et qui auraient été complètement dépouillées de leur gaz par échauffement-évaporation. Les astronomes sont d'ores et déjà enthousiasmés par ce type d'observation, et on les comprend, car elles pourraient à terme permettre d'analyser plus facilement la composition des atmosphères d'exoplanètes, voire la présence d'océans liquides en train de s'évaporer, comme sur des super-terres légèrement plus chaudes que notre planète en train de subir le même sort. Cette évaporation massive d'hydrogène apporte également un indice sur un phénomène qui a pu avoir lieu sur Terre il y a plusieurs milliards d'années, quand l'hydrogène y était encore très abondant et qui a disparu depuis. On sait maintenant que les planètes aussi peuvent prendre l'apparence des comètes, et ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il ne faut pas être trop surpris avec les exoplanètes, car nous n'en sommes pas au bout, loin de là. Vous retrouvez l'article paru tout de suite là, aujourd'hui même, ce soir, dans Nature, numéro 522. Il a pour titre « Giant Comet-like Cloud of Hydrogen Escaping the Warm Neptune Mass Exoplanet GJ436b » par David Ehrenreich et ses collaborateurs. À très bientôt sur « Ça se passe là-haut ». Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre en lisant attentivement le www.ça-se-passe-là-haut.fr. À très bientôt.